بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. الدرس الرابع 4e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم كما يبقى عليك الباء هكذا نعم، يعني تأتي ببداية نص نهايته شكره ولا نصيحته إلى غاية مفيدة. تفضل نسمعك. بعض تناول الغداء. لا، بعض تناول. بعض تناول الغداء. بعض تناول الغداء قام صاحب البيت للنصيحة وذكر فوائد الزواج والعزوبيون يستفيدونه. وشكروا على نصيحته وقال مفيدة. من شكر؟ العزوبي. أنت قلت العزوبيون يستفيدون. سمعش بالا؟ طبعا جم بلس مفرد. كيف؟ Ah, je croyais que quand tu employais le moufrad en début de phrase. Oui, mais là, ça doit revenir à quoi? Là, tu as cité déjà ce qu'il fait l'action. Azobiyoun. Donc le fil, il t'en revient ce. Attends. Donc il faut que tu aies ton moufrad. Azobi. Ah mais Azoubi, je sais pas si c'est quoi ça en fait. Il dit ça au Yémen, je crois que c'est Azib à la base. Azib. Ah mais Azoubi, je sais pas si Allah Alem. Il dit l'Azib. L'Azib. Yastafidou. Yastafidou. Ou l'Azib, c'est Fa Adamino. Et à la fin, c'est Fa Fashakarahu, la Nasihati, la Ghaliyati, El Mosida. طيب ثم قلنا كذلك التدريب الثاني عشر الدوزيام. اكتب خمس جمل مكمل بها ما ياتي. ان الدين الاسلامي يوضح للناس الحياه الاجتماعيه الصحيحه والحياه الاجتماعيه الصحيحه. وثانيا ويخطئ الذين يظنون انه لا علاقه للاسلام بالعلوم الحديثه. On avait dit que l'islam éclaircit aux gens la vraie vie en société, c'est-à-dire la vraie civilisation. Et celui qui pense qu'il n'y a pas de lien entre l'islam et les sciences modernes n'a pas compris. Il s'est trompé, quoi. Non. Tfaddal. Après, c'est vrai que j'ai compris le dars. Ouais, si t'as pas compris, Inch'Allah. Min a'adham al-azbab. الجهل. نعم. ومثله ومثلا في التاريخ بنسبة ترك الدين عذاب في الدنيا. بنسبة ايش؟ الدين بنسبة ترك الدين. لا. بس الخطاب تشوف سوفون جامع في قلت مضاف مضاف لي تبا دالي فول من المضاف. جامع. اللي با ترك الدين اللي ترك الدين. Ah ouais. Moudaf, il prend jamais d'alif. J'ai pas écrit. Tu l'as pas écrit en plus? Non. Tu l'as prononcé? Mm-hmm. Ah. Le Moudaf, il prend jamais d'alif. Jamais. Non. Binizmati, Tarkiddin, Adab fi dunya. Wa. J'ai mis entre parenthèses, tout ça m'a fait l'aura français à la Renaissance. Fi tarikh al français. Il y a un point dans la, chez les Français, la Renaissance. Hum yastafidun min al-arab. Hada tusamma la Renaissance. La Renaissance, on dirait le tajdid. On dirait le tajdid, je pense. En arabe, on dirait tajdid. fait de renouveler une chose. بالنسبه لماذا التاريخ دل ان العرب انه الاول في العلوم وبالنسبه لترك الدين عذاب الله على المسلمين بالنسبه لترك الدين ميزان خاص لكن لك تكون عذاب قل عاقبه عقوبة أو ابتلاء ابتلاء أو عقوبة أفضل كذلك كما في الآية اليوم أكملت لكم دينكم إذن يشمل كل شيء كذلك العلوم العصر يعني العصرية ليش du fait que le dîner englobe toute chose bah forcément ça il y a un lien forcément avec tout ce qui va être touché jusqu'à aujourd'hui يلزم في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني الريت دو دين ما يعتبر بال لكن بس كسي شوز لا لا tu peux les renouveler elles sont pas complètes le dîn il est complet il changera pas mais les sciences modernes elles se développent elles avancent le dîn il se développe plus c'est fini مثلا البدعة في علوم الحديثة تجوز les bidas dans les sciences modernes. Parce que ce n'est pas du dîn. Ce n'est pas concerné par le verset. Alors que le verset, demain, on dit, ouais, aujourd'hui le dîn l'a développé, il a avancé, on peut faire des nouvelles choses. On fait, non, il n'y a rien de nouveau à faire. Alors que contrairement à tout ce qui est l'ulum et le haditha, les sciences modernes, elles évoluent celles-ci. Elles innovent. C'est-à-dire les interdits sont les mêmes par rapport à la religion. Tu vois, les obligations sont les mêmes. Mais la façon de faire a pu changer. Ça peut changer. Et là-dedans, tu peux justement, c'est bien d'innover ce genre de choses. La bida, là, c'est une bida l'orawiya, elle est bonne. Par exemple, je sais pas, moi, demain, on regarde les voitures, comment elles évoluent, tout ce qu'il y a comme système. Inch'Allah, c'est bien, ça aide, c'est mon fil. Tout ce qu'on a comme appareil, la façon de faire les maisons, tout ça. Amal l'ibada, elle ne change pas. La salat, il n'y a pas, ouais, maintenant, on est en 1436, on va faire une nouvelle salat, on va l'évoluer pour que les gens, non? Par contre, le façon de faire la musique, tu peux le changer. Alors, tu peux mettre des piliers plus forts. Tu vois, tu peux trouver une façon même, ils ont mélangé des systèmes pour que tu aies un grand musique avec un grand toit qui est plus pilier au milieu. Mmh. Bon, ça, je sais pas si c'est bien parce qu'on appelle sous-toit là maintenant. Tu vois, je sais pas si c'est bien en vrai. Parce que le pilier, c'est bien, ça sert, c'est des sous-toits. Ça fait des sous-toits là pour les musulmans. Et maintenant, il n'y a plus de sous-toits là. Vas-y, il dit grand dogme, mais tu veux faire ce tour-là, il y a où? Il y a le mur devant ou mettre un truc devant toi? Et des fois, il n'y a rien dans le masjid. C'est une galère. Donc les piliers, tu vois, ils ont leur faïda. On les trouve dans les masjid. Regarde, par exemple, donc, parmi les évolutions en religion qu'ils veulent faire, ça, là. Les khutut. Ça, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Il n'y a pas de khutut à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens disent, ouais, mais c'est bien parce qu'aujourd'hui les gens ne comprennent pas, et pour t'assouiller soufou, fakaza, justement, la sunna c'est de la faire toi, la t'assouiller. Là, en fait, en faisant ça, t'as fait perdre le fait que l'imam ou que les gens alignent les gens. T'as fait perdre une sunna avec ces traits. Parce que les gens ne voient que le bien, ouais, c'est les awam, ils ne comprennent pas, ben il faut leur expliquer. Hein, quoi, tout le temps, c'est nous, c'est les awam, toute notre vie, c'est les awam. Faut les éduquer, faut leur apprendre. Regarde, Moustan, depuis qu'on est parti, il n'y a qu'à Demej, c'est le seul masjid au Yémen où il n'y a pas de ligne. Tu vois, c'est un marqué. Le seul masjid au Yémen où il n'y a pas de ligne, c'est à Demej. Maintenant, on arrive à Salah, c'est Akhis. Voilà, tous des lignes. Même le masjid Salafi. Adib. Et en France, on est connu un seul qui n'y a pas de ligne. Masjid de Vitry. Pavillon, là. Bon, aujourd'hui, ils font des choses. Sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. En tout cas, c'est le seul masjid pareil où ils faisaient tasfiyat soufouf par l'imam et par les gens. Bien. C'était le seul masjid iconique qui faisait ça. à main. Maintenant, je sais pas s'ils le font toujours, tu vois, mais c'est nous, c'est que des couteaux de partout. Voilà, hein. Donc par rapport à ça, et lui, m'a créé le coup d'inakoum, et t'as allé, lui, Ahkam, Eddid. Non, le film, il est complet. Il n'y a rien à rajouter dedans. T'as vu. Il y avait quoi d'autre? J'ai écrit une autre phrase, mais ressemble pas à la deuxième. La tazerie, c'est ça, les fachars. Il manque une phrase. Je crois que c'est pas bien saisi le. Là, il te dit quoi ? Inna ad-din al-islami yuwaddihu lin-nas al-hayat al-ijtima'iyyah as-sahiha. Après, il te dit وَيُخْتِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ لَا عِلَاقَ لِلْإِسْلَامِ بِالْعُلُومِ الْحَدِيثَ. Donc toi, tu vas faire des phrases comment on lien avec ça. Parce que quand il parle, il donne des aperçus de la religion, de ce que les gens pourraient penser faussement par rapport à la religion. Mais par exemple, tu pourrais dire وَمِنَ الْإِسْلَامِ الْحُقُوقِ الْإِنْسَانِيَّ الصَّحِيحَ. Par exemple, en islam, on a les vrais droits de l'homme. Pas leurs droits, eux, là, les droits des criminels, comme on pourrait dire. Wa yukhti alladhina yadhunna anna an-nisa mathalan mazlumat fi l'islam. Celui qui pense que les femmes sont lésées en islam, c'est trompé. C'est des points comme ça, tu vois. Mathalan. Voilà, quand même. Il y avait le Salif Ajar, et là. La fin de. Ouais. La fin de Salat al-Ajar. Risalat al-Masjid, Hammatun Jiddan. Waqad kana al-Masjidu, Mekanan lil-Ibada, Mekanan tunaqashu fihi umur al-Haya. Waddih dhalik. Aywa, ismao. Estamina alik. القاز المناقشة فيها. القاز المناقشة فيها. القاز المناقشة. تعرف الألف واللام. لأن قصد المناقشة. سمودف. نعم. للعبادة. شد جسد الآية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا حصل الخلافات والشبهات في الأمور الحياة يتضمن الرجوع إلى العلماء ومكانهم المسجد فيه والمسجد فيه السكينة والقبول. يعني الآن تقول إذا صار خلاف في أمور الحياة الدنيا الرجوع إلى العلماء هكذا يتضمن. Moi, je parle là sur le sens de la phrase. Que là, tu as dit que s'il y a un khilaf entre les gens en ce qui touche à la vie mondaine, qu'ils reviennent au savant. Ouais. Ouais. À la salle. Ça implique qu'ils reviennent au savant. Non. Mais elle, ça. Moi, je parle toujours par rapport au din. Alors, Fouta, khilafat fil hayat et dunya. T'as pas dit fil din. Attention. Quand on dit fil hayat et dunya. Le khilafat. والشبهات في الأمور الأمور حياة الدنيا. أيوة. Attention, là t'as précisé. Ah ouais, t'as dit. Parce que demain toi et moi on a un khilaf sur une maladie. Un tel il est malade. Moi je dis le remède c'est ça. L'autre dit non, le remède c'est ça. Ah, on revient à qui là? Au docteur. Au docteur. C'est lui qui est plus savant, ce genre de choses. Déjà, fait le hadith, lorsque les sahaba voulaient faire pousser un. Nakhla, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une idée. Ils l'ont fait et l'idée elle a pas abouti à ce qu'ils voulaient. Le Nakhla donne toujours des dates avariées. Il lui a dit moi je suis qu'un être humain, j'ai de plus savant de ce que tu veux donner. Ce jour-là, quand il a parlé, il n'a pas parlé de Fiddin avec le Wahi. Il a parlé de ce que lui voyait. Tu vois, mais en jardinage, peut-être des gens auront plus d'expérience que lui. Les choses de la dunya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils consultaient justement les sahaba par rapport à leur avis. Parce que c'était pas du wahi là. Quand c'est du wahi, il n'y a pas à discuter. Tu vois. Mais des choses par rapport à la dunya, tu sais pas un truc, mais c'est un qui a un lien avec le din, qui a un lien avec la dunya, il a dit un tout alem bi dunya, quoi. Vous êtes plus savant de votre dunya. Donc dans le truc de la dunya, si il y a un lien avec le din ou qu'un alim fait une nasiha à la baisse, mais il y a des choses auxquelles c'est pas le savant qui forcément qui va être adéquat. Par exemple, je sais pas, t'as un khilaf avec ta femme dans la cuisine. Elle dit tel plat, mais tel ingrédient. Tu dis non, mais pas tel ingrédient. Tu vas pas appeler un chir. Pour... il y a un chir, tu vois. Comment on fait le tel plat ou tel plat? Il va dire, bah, allez, y'a ça. Elle dit, ça me concerne pas, moi. Ça. Tu veux une fatwa sur le dîner, là, mais la cuisine, c'est pas mon problème. Appelle les cuisiniers, il va dire. Même Aïe. Non. Ou à part, c'est un alim qui est connu pour les formes cuisine. Tu vois, c'est autre chose. T'en as des fois, ils ont des. C'est des ulama et ils ont des trucs de la dunya qui sont forts. Ça peut être un garagiste, par exemple. Ça peut être un mécanicien, ça peut être un électricien, et ça, alim. Mais à côté de ça, il fait qu'on regarde chez Rabbani, ils réparent des montres, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a de la science dedans. T'en as, ils ont un truc, comme on dit, une expérience professionnelle à l'extérieur de leur science religieuse. Petits, ils ont pris un truc, ils sont forts, peut-être, tu vois. Ça peut arriver, non? Chahé, il était forgeron, je crois. Ben Chahé, il était Haddad avant. Il n'est pas Haddadi, tu vois. Haddad. Il a fait un peu de. Il était forgeron au moment. Il était berger aussi. Il avait des boutons et tout. Ce qu'on voit dans ça, il n'a plus l'expérience. Demain, tu lui dis, tu vas te faire souder un truc que tu n'arrives même pas à faire. Non. T'as eu. Bard, il y avait quoi? Sadi Rachar. Hein? Sadi ou Sadi Rachar? Sadi Rachar. 16e, allez, ouais. Octobre, Fima, la yakil, an Asharat Astour, Moudou, an Nassola, ou Fawa Idia. Ostain, Fikida Batiga, Fima Yali. Bard, tu devais écrire un sujet, en 10 lignes minimum, avec les Fawa de la Sala. تفضل من انواع العبادات الصلاه كما امر ربنا والصلاه الخمس في المسجد في المسجد ايشو الصلاه الخمس في المسجد لا الصلوات الخمس لا تنجم الصلاه الخمس في المسجد يجتمع العموم الناس الغني والفقير عيد الصلوات الخمس في المسجد نعم يجتمع العموم الناس يجتمع عموم الناس أين الفاعل tu veux dire ici regroupe ou elle regroupe là c'est elle qui regroupe les gens c'est ça que tu veux dire là tu dis تجمع ah ouais تجمع هي تجمع عموم الناس et là tu aurais dit يجتمع فيها عموم الناس sinon إما هذا وإما هذا نعم من فوائد الصلاة هي تطهر عن المعاصي هي إيش الطهارة وتطهر هي تطهر عن المعاصي يا أخي تطهر من المعاصي من المعاصي وعن المعاصي عن تبديوسي المعاصي ومن فوائد الطب أنها رياضة من فوائد الطب من الفوائد الطبية طبية لا سبيت عن صفة أنا من الفوائد الطبية أنها رياضة أنها رياضة تحسن الجسم تحسن ليك كودا تحسن لك فتحة لا j'ai pas écrit de ah t'as j'ai comment entendu c'est toi une c'est moi qui m'a entendu non non j'ai pas écrit tu t'as commencé فتحة toi non j'ai pas des fois on dirait pas des fois تحسن non non t'as toujours تحسن تحسن ah على وزن فعل تفعل يفعل الصلاة تضمن الخشوع والسكينة والهدوء النفوس و هدوء النفوس وهدوء النفوس نسمح البيت أيوة. لكن فتح نعم الاجتماع في المسجد للصلاة يهدي إلى الأخوة نعم الصلاة الدليل الصلاة دليل الاستسلام بالإعلان الأذان ماذا عيد الصلاة دليل على دليل الاستسلام على على استسلام بالإعلان الأذان ايش تعني تشوف جاكوان ها تشوف جاكوان تشوف جاكوان صوت تشوف جاكوان ترجم ما دي الجملة traduis-la. La salade montre la soumission lorsque tu entends l'adhan. Tu fais la salade. Tu te. Ouais. Tu dis pas l'islam il. L'islam yakun lillah. Tu dis pas. Tu ne prends pas ce mot-là pour l'adhan. Tu vas dire. Yadou lala el tizam. Tizam. C'est bien. أو الاستجابة فهمت؟ الاستجابة que tu réponds à l'appel si tu dis pas je me soumets à l'adhan tu te soumets à l'ordre d'Allah tu dis je réponds à l'adhan parce que l'adhan c'est un appel tu vois il est bil nida non خرجت آيات كريمة وأحاديث نبوية كما قال تعالى أركعوا مع الراكعين نعم ودلت السورة دلت الصلاة البغض عن الكفر البغض عن الكفر شو بيكون كل دبي عيد دلت الصلاة كيف دلت الصلاة الصلاة عندك تدل على تدل على الصلاة تدل على هذا البعد عن الكفر الصلاة تدل على البعد عن الكفر على البعد عن الكفر أو الابتعاد من الابتعاد بس الابتعاد الصلاة تدل على يعني الأحسن تدي الصلاة تدل على ابتعاد صاحبها عن الكفر que la salat démontre que celui qui l'applique est loin de, du kufr en fait c'est mieux الصلاة ou bien tu dis الصلاة au شخص la salat de l'individu تدل على ابتعاده عن الكفر صلاة الرجل مثلا أو صلاة العبد ايوه سميو مساله العبد يعني العبد المسلم يعني تدل على ابتعاده عن الكفر باذن الله بس كده نعرف الصلاه دي منافقين دونك باذن الله او ان شاء الله mais c'est vrai qu'à la base c'est un signe apparent c'est quand tu fais salat t'as pas douté de lui tant que t'as pas une preuve que ça m'enlève quoi tu restes sur l'asla muslim sinon on va douter tout le monde faut les faire ouais, mais c'est ça mon avis. Yeah, faut pas cette porte-là. Si t'as rien qui est pour que ça mon avis, classe, laisse-le. On fait le démarrage, il fait ça là, c'est un moussim. Il n'y a pas à chercher à aller enquêter sur lui, aller. Tu vois. Tu dis, c'est un moussim. Comment tu sais, il fait ça là, ça me suffit. Et après, si tu entends de lui des paroles de kouf, tu vois des choses de lui qui fait du chien, tout ce que je vois, là, c'est autre chose. Mais sur le os, t'as comme à la voir. Tu le vois venir, il est au mosjid, il fait ça là, kada, kada, kada, kada, c'est un moussim. Et on n'a pas. À chercher sur lui, juste à ce qu'on vient, une chose nous interpelle. Alors, par exemple, demain, t'entends, il parle quelqu'un, il dit ouais, Allah fait couler Mekan. Et tu sais, c'est un boucher, par exemple, là, tu sais, qui gorge la jambe. Là, tu fais, oh, attends, lui, il dit Allah fait couler Mekan, je sais pas, vas-y, mange ta viande. Ou demain, il s'avance pour faire l'imam. Tu dis, oh, je sais pas si je fais ça va derrière lui, tu vois. Mais tant que t'as rien, même s'il est rasé en pantalon, c'est pas ça qui va t'emmener à douter de ton islam. Par contre, il y a des paroles, il peut avoir des paroles, tu vois. ou mais ça, il faut vraiment les avoir vus, être sûr. Et après tout là, tu nakash, si tu as la coudra, pour voir vraiment s'il a compris ce qu'il dit, ce qu'il ne sait pas, tu vois, le chouvret. Si vraiment ce qu'il dit, il y a Takedou et il sait ce qu'il dit, tu vois, là c'est autre chose. Ça, c'est un jaïl, il a toujours appris ça, il ne connaît pas la réalité. Donc tu vois le Nassar, tu lui dis, qui t'a dit ça, kaza, kaza, kaza. T'as femme marna, Allah fi kouli makan. Ça veut dire qu'elle est partout. Et là, il va dire, là tu vas voir ce qu'il va dire, il va te répondre. Ça se trouve, il ne sait pas, tu le béyennes, il va revenir. Ça se trouve, tu vas voir qu'il sait, et que c'est un gros te dire, c'est un gros, tu vois, un gros indien. Lui, voilà, direct, tu jettes. Toi, t'as l'épreuve de là, t'as comme à la vahir armélie et non musulmane. Hakaba, ma jamia et musulmane. Non. Bien, ça n'est cool. Voilà. C'était dit le minimum, c'est bien, c'est bon. Le farq entre le musulman et le kafir, la salat. نعم واجي كري كذلك ان صلاه الذكر ان هو انا صلاه الذكر كيف صلاه الذكر لا صلاه الذكر انا الصلاه ذكر ذكر يا pas de difole ma ذكر c'est un khabar la ta la ta اسم اسم ان et khabar ان si tu dis je ne peux pas dire As-salat ou Az-zikr. Faut que je dise As-salat ou Az-zikr. ألا إن ذكر الله؟ لا. ألا؟ لا ما هي كلا الآية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. خلاص. avec ça aujourd'hui. نعم. فصل ساعات لا. Après ça va être attendre le test, il est un peu long celui-là, j'ai vu déjà. Donc on parlera directement. Raden Biznila, Rabab Asila, Tataalok, Bi. Maxwell. Tabi, kullu man akhouz al anfi hada ders, min al fawaid al lughawiya, alaykan ta'mal biha. Lian qasd al kitab, kama qila, ta'bir, an tuhassin. عباراتك يعني en fait par rapport à ça ça t'apprend à quoi à avoir des phrases plus correctes plus wadih c'est à dire crois pas que c'est juste ce qui t'a c'est à dire là tout ce qu'on prend bon, quand je vais par exemple t'ambis sur un truc dis comme ça toi après même quand tu parles avec les gens applique-le parce que dis-le toi tu dis une parole en arabe toi t'as un qasd quand tu le dis mais comme tu te trompes la personne va pas comprendre comment tu vas le dire après ça peut amener à des khilaf je t'ai dit ça non tu m'as pas dit ça tu m'as dit ça ça ça à salam. Ça peut amener à ce que les gens, tu vois, demain, tu as une parole avec un limite, par exemple. Toi, tu sais ce que tu veux dire. Mais tu t'es pas bien exprimé. Donc, lui, il a compris hein, comment tu l'as dit. Lui, il sait pas que tu es français, comment tu dans ton cœur, il sait pas comment tu es dans ta tête. Lui, il prend ton KLM en apparence. Tu vois. Donc, il se peut qu'après, il dise, ouais, mais toi, tu m'as dit ça. Tu dis, Kadzab, j'ai jamais dit ça. C'est ça que tu as dit. En tout cas, j'ai compris ça de tes paroles. Moi, ça mène à des rires graves. Parce que les gens, des fois, même en France, des fois, on se parle et on n'arrive pas à se comprendre. J'ai une phrase, toi, t'as pas compris comment je voulais le dire. Parce que j'ai fait une erreur de tabir, d'expression orale. Alors, que dire en arabe, nous qui ne sommes pas des arabes à la base, on a appris, enfin, attention, que lorsqu'on parle, quelqu'un dit wa adeh. Là, c'est maintenant le bélaïm, après, que demain, tu vas monter sur un minbar, faire une khutba, ou tu vas te mettre sur un cours de muhadara, ou un dersh avec des gens. Tu vois, c'est-à-dire, il faut que les gens comprennent bien ce que tu vas leur dire. Mais il faut aller le kitab. Toi, je dis que le kitab, il n'est pas non plus, tu vois, il y a des faouïdes à prendre de la chèque. Hein, c'est pas non plus voilà quoi, c'est juste que c'est dommage. Si j'ai pu faire un kitab tarbir avec plus de fawaid al-miyya dedans, des hadiths plus, des ayats plus, des athar plus, ça aurait été bien. Comme ça, non seulement tu prends le tarbir, et en plus tu prends le tarbir vraiment des salafs, le meilleur. Tu prends en plus du vocabulaire riche al-mi, comme ça demain t'as un ders. T'as les, par exemple là, je sais pas, moi il te parle de. Ça va venir, par exemple, je sais pas moi. Dans le prochain texte, il parle de Al-Ashi'a. Al-Ashi'a, je crois, j'ai pas vérifié, je crois que c'est le djem de Shu'a. Et Shu'a, il veut dire par là les radios. Les radios comme les radios pour le corps. Ah, c'est ça, parce qu'il n'y a pas trop, justement. Je pense que c'est ça, parce que Al-Ashi'a, c'est un djem. Et je pense qu'il vise Shu'a. Alors, moi aussi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais il y a une fille à quelques élèves. Quand on lit le texte, je pense que c'est ça qu'il va dire. Parce qu'il parle de médecine et tout. Donc, ça, à la base, c'est un mot, voilà, quoi. Pour un vieux djinn, on n'a pas trop besoin. Par contre, si tu veux Shu'a, dans le sens rayon du soleil, comme par exemple pour savoir le ralamat, le qadar, t'as même. T'as appris un mot. Comment dire un soleil? Shu'a. Ah, bien, j'ai appris un mot, machallah. Hop, tu me notes. Ça, c'est un bon tarbir, tu vois. Il prend un hadith, et après, par exemple, par rapport au hadith, il fait une conversation entre deux frères. Par exemple, ils vont dire Zayd ou Amr. Taïeb. Jalassa Fiders, Kaza wa Kaza. Après, il te raconte. Le modaliste, il a dit ça, aujourd'hui on va prêter le hadith, il explique les paroles du hadith. À travers un texte de tabir simple. Ça, c'est mashallah. Pour les débutants. Le prochain texte, par exemple, l'Abbès. Mais ce qui va arriver par rapport à la langue arabe, l'Abbès. Je ne me rappelle plus des autres, parce que celui-là, j'ai fait il y a longtemps, j'étais à Hadramout encore. Je l'ai suivi. Par exemple, là, il y a Tatawur, Asina'a. L'évolution des. Tout ce qui est fabrication. Il parle de fusée. C'est bien, mais bon, il y a Aoulet, tu vois. Il y a prioritaire. Après, Inch'Allah. Ah, monsieur, il n'y a pas de paroles haram, tu vois, déjà, Alhamdulillah. Ni de paroles bita'iyah. Juste, il y a les photos, c'est dommage, les images. Voilà. On a tafi bihada, on a kul. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ma'a tahiyati dammaj.com.